Jacob arrive au pays de Laban. Le puits devient la porte du futur. Il voit Rachel et son cœur s'attache avant même que le temps ne rassure. Cette année passe comme un jour à cause de l'amour qu'il lui porte. Mais au soir de la promesse donnée, une autre épouse entre dans la porte. L'homme qui a trompé jadis commence à goûter sa propre semence. Même quand nos contrats sont brisés, tu fais encore pousser la vie. Même quand l'amour naît dans la douleur, tu l'utilises pour écrire ton plan ici. Même quand nos contrats sont brisés et que les larmes remplissent les jours, tu bâtis ton histoire d'alliance dans la patience et dans l'amour. Que la promesse suit son cours. Les fils naissent dans les soupirs, les noms portent la douleur et l'espoir. Et déjà les fondations d'Israël s'élèvent dans une famille au cœur noir. Même quand nos contrats sont brisés, tu fais encore pousser la vie. Même quand l'amour naît dans la douleur, tu l'utilises pour écrire ton plan ici. Même quand nos contrats sont brisés et que les larmes remplissent les jours, tu bâtis ton histoire d'alliance dans la patience et dans l'amour.